Chapitre 5e. Tabouaka se trouvait au nombre des prisonniers qu'emmenait l'alguazil. La trahison de son père le laissait accablé d'une telle honte, il souffrait si cruellement de voir le sorcier consentir à ce rôle de guide, que ce fut un soulagement pour lui de ne plus être exposé à rencontrer son regard. Dieu sait pourtant si ce regard était éloquent. Le père, en fixant douloureusement ses yeux sur son fils, semblait lui dire « Pourquoi me méprises-tu? N'est-ce pas pour te sauver que j'ai consenti à cette infamie? Et puis, sais-tu mon dessein? Suis-je aussi coupable que tu crois ?» Tabouaka ne voulait pas accepter l'excuse, pas plus que son père n'en avait accepté de Sivouni. Il faisait effort pour oublier que ce traître était son père. Hélas, l'effort était douloureux en face de lui. Une fois éloigné, il lui fut plus facile. Pour mieux chasser cette obsession, Tabouaka se mit à songer à la veuve du cacique. Cette fois, se disait-il, elle est veuve, et sans que j'aie à me reprocher un meurtre. J'ai vu les blancs foudroyer Kaoubao, l'âme ne vient plus faire son nid dans le corps d'où elle s'est envolée. La belle Anakwa est libre, et j'aurai le droit aujourd'hui de lui dire que je n'ai jamais souhaité d'autre épouse. Elle ne pourrait refuser de m'entendre. Ah, pourquoi faut-il que des liens enchaînent mes bras et alourdissent mes pieds? De quel élan je me serais jeté à sa recherche à travers les bois? Car les visages pâles l'ont dit. Je l'ai bien compris, j'en suis sûr. Elle s'est enfuie, elle rôde à travers la forêt. Plus que jamais, elle a besoin d'un guerrier qui la défende. Me dédaignerait-elle? Peut-elle m'en vouloir de la félonie de mon père? Non. Elle sait que mon cœur est loyal, que mes yeux ne mentent pas. Elle m'acceptera pour époux. Et je rachèterai la faute de Ganagari et de sa fille en combattant les ennemis de la patrie. Il ralentissait le pas, se berçant à cet espoir. Un coup de plat de hallebarde et une injure jetée en espagnol le tirèrent de sa rêverie. « Ah, malheureux, gémit-il, malheureux qui te promet du bonheur et de la gloire, et qu'un soldat étranger pousse en avant comme un chien rebelle. Marche donc, marche plus vite. Va creuser la terre natale et chercher de l'or pour l'envahisseur. » Il va maintenant, tête baissée, silencieux. Quel est ce bruit qui soudain l'a fait tressaillir? On dirait la vibration d'un arc et le sifflement d'une flèche, mais quelle apparence! Il ne s'est pas trompé, les flèches pleuvent, est-ce un rêve? Les Caraïbes attaquent les visages pâles? Qui donc les avertit de leur malheur? Qui donc les amène à leur secours? Et qui serait sinon la belle, la vaillante Anakwa? La voilà qui court dans la forêt, encourageant les guerriers de ses cris. Gloire à l'héroïne et que Tamou soit avec elle. Ses vœux, Tabouaka les formule tout bas. Tout bas, il engage au silence ses compagnons tout frémissants d'espoir. Ne montrons pas, leur dit-il, nos pensées à nos maîtres avant d'avoir vu leur défaite. Elle n'est rien moins que sûre, hélas. De fait, la témérité des Indiens était grande d'oser attaquer les Blancs, n'ayant pour armes de longue portée que leurs flèches. Mais en guerre, la témérité est souvent de la sagesse. C'est là, surtout, que le proverbe a raison, qui ne risque rien à rien. Les Espagnols avaient bien leurs mousquets et leurs arquebuses, et sitôt revenus de leur surprise, ils se mirent à les utiliser. L'alguazil était un brave. Il tenait du moins à faire bonne contenance, car du premier regard, il avait compris qu'ils étaient perdus. Il jetait ses ordres à ses hommes, leur recommandant de s'abriter derrière les arbres et s'exposant lui-même à découvert. Ces hommes obéissaient et mitraillaient de leur mieux les Indiens. Mais outre que les détonations n'effrayaient plus guère les Caraïbes, avertis par Anakwa et aguerris par l'explosion du fort, la manœuvre de la poudre était lente. Le mousquet ratait souvent. Les Indiens lançaient 10 flèches pendant que les Espagnols leur tiraient une balle. Or, les Espagnols n'étaient cuirassés qu'à la poitrine. Ils avaient beau se faire un rempart des troncs d'arbres, il pleuvait de tous les côtés à la fois tant de flèches. Les Caraïbes avaient le coup d'œil si juste qu'on entendait plus de cris de douleur chez les Blancs que chez les indigènes. Ceux-ci voyaient leur force, l'orgueil de ce premier triomphe les exaltait encore, et aussi la présence de leurs frères enchaînés. Sans paraître prendre garde aux balles qui sifflaient leurs oreilles et faisaient des vides dans leurs rangs, ils tendaient, acharnés, leur arc terrible, et riaient d'un rire aigu chaque fois qu'une flèche avait atteint un ennemi. Au bout de quelques minutes de combat, voyant leurs adversaires surgir à chaque instant plus nombreux, les Espagnols décimés songèrent à la retraite. Tout en ripostant, ils en parlèrent à l'alguazil. Celui-ci égrenait le chapelet de tous les jurons connus. Deux fois blessé déjà, il savait bien qu'il ne leur restait pas d'autres ressources, et même qu'il fallait se replier au plus vite. Mais quoi? Reculer devant ces sauvages, abandonner ces monceaux d'or? Cette pensée l'exaspérait. Et puis, quelle retraite espérée sous cette pluie de traits, dans cette forêt, à chaque pas obstruée, et que les Indiens savaient par cœur, ayant de plus à traîner ses prisonniers. « Oh, quelle idée ! » fit-il tout à coup. En quatre mots, il l'a dit à ses hommes. « Flanquons notre colonne d'un double rang de captifs. Ils nous serviront de boucliers, et les enragés n'oseront pas tirer sur leurs frères. » Et il allait faire signe à Tabouaka d'approcher, quand un hurlement lui échappa avec un dernier juron. Une flèche venait de lui traverser la gorge. Il chancela, laissa tomber son arme et s'affaissa entre les bras des siens. « Sang de Dieu, il est mort !» répéta un Espagnol. Ce fut toute son oraison funèbre. Les Caraïbes poussaient des clameurs triomphales. « En route !» s'écrièrent à la fois tous les survivants. Mais quand on voulut courir aux prisonniers pour exécuter l'idée du lieutenant, on s'aperçut que les prisonniers étaient libres. Les Caraïbes, amenés par Anacoa, avaient tranché leurs liens. Tabouaka et les guerriers de sa tribu s'étaient fait des massues avec des branches d'arbres. Ceux sur lesquels les Espagnols comptaient comme sur des boucliers grossissaient maintenant le nombre de leurs ennemis. Cette fois, la partie était bien perdue, car il était aussi impossible de fuir qu'il eût été fou de penser à se rendre. La seule idée des supplices réservés aux prisonniers suffisait à en ôter la tentation. Les Espagnols se défendirent avec l'énergie du désespoir, tout en maudissant le désir de l'or qui les avait attirés dans ce piège. On en vient en charger une dernière fois son arme, s'en appliquer le canon dans la bouche et se faire sauter le crâne. Après ces détonations, l'apaisement se fit dans la forêt. Tous les Espagnols étaient morts. Les Caraïbes savouraient leur victoire en silence, tandis que les prisonniers, élevés vers le ciel, leurs bras enfin débarrassés de liens. Sous les ordres d'Anacoua, une partie des guerriers de sa tribu se mit à scalper les cadavres. « Ces dépouilles orneront la tombe du cacique », avait-elle dit. Pendant que les autres guerriers ensevelissaient leurs morts, elle, avide, se penchait sur tous les Espagnols, examinait leurs traits avec attention, puis, de son javelot, leur crevait les yeux. « Ainsi leur chef a fait au nôtre », murmura-t-elle. Quand elle eut achevé cette lugubre revue, elle se releva, farouche. « La chasse est belle », conclut-elle tout haut. « Beaucoup de visages pâles dorment là à jamais. » Mais le pire n'est pas mort. Leur capitaine n'était donc pas parmi eux. « Non, » répondit une voix grave. La veuve du cacique tressaillit. Tabouaka était près d'elle. Le fils du sorcier semblait craindre qu'en lui laissant le temps de parler, il ne lui donnât l'occasion de parler de son père. Il se hâta d'ajouter « Celui qui commande les visages pâles explore les mines d'un autre côté. Où cela ? Je te le dirai. Toi, ne laisse pas les guerriers de la tribu perdre le temps à se réjouir de leur victoire. Quelqu'un des Blancs a pu s'enfuir et aller prévenir ses frères. N'attends pas qu'ils se mettent à l'abri d'une surprise. Rassemble les chefs qui te suivent. Va le long de la lisière de la forêt dans la direction du sud. Après une heure de marche, tu trouveras un campement de visages pâles, commandé par les prêtres de leur religion. Fais d'eux ce que tu as fait de ceux-ci. Bien, répondit Anacoua. « Mais le chef, c'est le chef que je veux. Je ne dormirai pas tant que cet homme vivra. » Tabouaka se rapprocha de la veuve. La nuit tombait, mais elle voyait ses yeux étinceler dans l'ombre. « Anacoua ? » demanda-t-il en baissant la voix, « sans que jamais je te l'aie dit. Tu sais que mon cœur est plein de ton nom. Je le sais. M'accepteras-tu pour époux si je te livre cet homme, vivant ou mort ? Réponds. » Il tremblait. Anacoua se consulta en silence. Elle demandait à l'âme du cacique si elle pouvait consentir à ce marché. « Soit, » dit-elle au bout d'un instant. Elle mit sa main dans la main du guerrier et elle ajouta. « Je t'accepterai pour époux quand tu m'auras livré cet homme vivant ou mort. J'en atteste ma chevelure coupée. » Tabouaka eut un sanglot de joie. « Adieu donc, » dit-il, et il s'élança en courant du côté de la montagne. « Livre-le-moi plutôt vivant !» lui cria la veuve. L'inquiétude de Tabouaka était fondée. Un des Espagnols qui marchait sous la conduite de feu l'alguazil avait eu la chance de pouvoir s'enfuir. Il est vrai qu'il n'avait pas attendu que le combat fût engagé sur toute la ligne. Au moment où le lieutenant avait crié « Garde à vous !», il s'était gardé en prenant ses jambes à son cou. Cet homme, répondant au nom de Don Sanchez, était le même moine gros comme une barrique qui, d'un si beau souffle, attisait le feu des tortures. Tant qu'il eut de la respiration, il courut, après quoi il se mit à réfléchir. Les mousquetades continuaient derrière lui. Il avait donc bien couru dans la direction du campement de l'inquisiteur, mais en s'y abritant, n'allait-il pas se fourrer dans un autre guêpier? Qui donc lui assurait que le campement ne serait pas surpris à son tour? Don Sanchez penchait plutôt à descendre jusqu'au fort. Mais outre que le chemin était long et périlleux, l'incertitude restait la même. Du moment où, d'amis qu'ils étaient, les Indiens devenaient des ennemis, il n'y avait plus de sûreté à espérer nulle part. Ah, comme ce soir-là, Don Sanchez regretta d'avoir quitté son couvent de Santa Maria de Rabida, près Palos, pour suivre ce fou de colon. Ou plutôt, de ne pas avoir suivi ce sage colon quand il retournait en Espagne. Irait-il au fort, ou seulement au camp? Il hésitait, ni plus ni moins, révérence parlée, que l'âne de Buridan entre ses deux picotins. Ce fut la fin qui le décida. L'heure du souper était déjà passée. Il lui parut qu'il trouverait plus vite à manger en rejoignant son supérieur. Et voilà comment, une heure plus tard, une sentinelle vit arriver, haletant, fourbu, le pauvre Don Sanchez qui s'était perdu en route. Il avait fait le chemin en proie à des terreurs sans nombre, et sous le coup de cette épouvante, son premier cri fut « Sauf qui peut, les Indiens !» Amené auprès de Don Toribio au milieu d'un effarement indescriptible, le malheureux moine se rendit bientôt compte de sa bévue. On lui laissait à peine le temps de s'expliquer. Il comprit trop tard qu'on lui laisserait encore bien moins le temps d'apaiser son appétit. Le camp s'agitait comme une fourmilière défoncée. Les sentinelles s'étaient repliées. Tout le monde commentait la déplorable nouvelle, et en l'absence de chef militaire, chacun se croyait le droit de donner des avis et même de donner des ordres. Don Toribio tâchait en vain de régulariser cette confusion que son trouble ne contribuait pas peu à accroître. La nuit était venue, et les ténèbres aggravaient encore la situation. Voilà qui expliquait la mousquetade, les Indiens. Ah, s'il en avait eu menacé, sûrement il eût ouvert un avis, sinon salutaire, au moins profitable. Mais le juif faisait partie de la brigade Escovedo. À défaut du juif, le poète se hasarda à proposer son plan. « Sortons, conseilla-t-il, de la forêt trop touffue pour qu'on y puisse voir arriver l'ennemi. Escaladons la mine, et une fois en terrain découvert, hors de la portée des flèches, dirigeons-nous du côté du sud. Allons rejoindre le capitaine. » Le plan fut acclamé et l'on décida de le mettre aussitôt à exécution. Menacé d'une nouvelle étape, le pauvre moine regrettait de plus en plus son intempérance de langage et eut bien voulu rattraper ses paroles. « Vous vous exagérez le danger, affirma-t-il. Il ne faut pas croire à la lettre ce que j'ai pu laisser échapper dans mon émoi. Rien ne dit que ces sauvages nous savent ici. Mais on ne l'écoutait même plus. « Allons !» toucha l'inquisiteur. « En avant et vite !»« Moi, gravir ces rochers, à jeun ?» gémissait le moine. « Jamais. J'aime mieux mourir. » Cette parole fut la dernière que prononça Don Sanchez. Il tomba sans un cri, au milieu des Espagnols stupéfaits. Une flèche venait de lui traverser la poitrine. Bien que ne comprenant pas sa langue, les Caraïbes l'avaient pris au mot. L'infortuné eut ce chagrin de mourir sans souper. Les flèches sifflaient dans l'ombre. « Sauf qui peut !» cria l'inquisiteur, troussant sa robe. « Sauf qui peut !» Comme une volée de hérons, les Espagnols couraient aux roches d'or dans un tel effarement que pas un ne songea à se servir de son mousquet. Aussi bien, à quoi bon, puisqu'on ne voyait pas l'ennemi. Escovedo, dont la troupe, tout en marchant, braillait des chansons de bivouac, n'avait pas plus entendu les mousquetades déjà lointaines des compagnons de l'Algazil qu'il n'avait entendu quelques jours avant l'explosion du fort, dont un vent furieux avait emporté le fracas du côté de la mer. Il allait, joyeux, rayonnant, sifflant des séguedilles, tortillant sa moustache rousse, la plume de son chapeau rejetée sur le côté, tout signe certain de la bonne humeur du capitaine à en croire les soldats. Indéfiniment la mine se prolongeait. Toute la craie de cette montagne n'était qu'un immense bloc d'or, de quoi payer 10 fois l'Espagne, 100 fois. La joie que Colomb avait eue en abordant à San Salvador, Escovedo la ressentait à cette heure. Cette carrière prodigieuse, c'était sa découverte à lui. Il voyait déjà, par la pensée, des caravanes de vaisseaux arrivant de l'Europe, cinglant tous vers cette île et s'en retournant chargés de millions. Un port serait établi à côté du fort, on ouvrirait une route dans la forêt et la rivière aux paillettes en fournirait une autre. À côté de lui, suivant la lisière du bois, Manassé marchait, pris de la même fièvre. La splendeur du ciel, où scintillaient les étoiles, la fraîcheur du soir, tout encourageait l'âme à s'envoler dans le pays des rêves. Le vent murmurant à travers les branches berçait agréablement ses pensées. Quelle puissance l'or allait lui donner à ce déshérité, ce lépreux, ce maudit. Il ne se contenterait plus de son dangereux trafic d'usure. C'est au roi qu'il prêterait désormais, et au roi solvable seulement, et contre solide garantie. Au lieu d'achats de terres ou de masures négociées sous le manteau, il se mêlerait de contrats princiers, parlerait aux empereurs de puissance à puissance, reprendrait son rang sur la terre et serait parmi les persécuteurs à son tour. Halte ! Le capitaine trouvait que c'était assez marché aujourd'hui. Le ravin qui se creusait là-bas au flanc de la montagne devait marquer le cours de la rivière aux paillettes. Il serait temps de s'en convaincre demain. Maintenant qu'on était arrêté, on sentait sa fatigue. On soupa joyeusement sur ce que Manassé appelait le champ de bataille. Chaque Espagnol voulut s'endormir, ayant sous la tête un morceau de roche aurifère en guise d'oreiller. Et le camp ne fut visité cette nuit-là que par des rêves d'or. Dès l'aube, les captifs, entravés seulement aux jambes, se mettaient à la tâche. Les Espagnols les surveillaient tour à tour, ou travaillaient avec eux, fouillant un grand coup la montagne aux entrailles éblouissantes. « Remplace-moi pendant une heure », avait dit le capitaine aux Juifs. Il était descendu jusqu'au ravin remarqué la veille. Ses conclusions étaient justes. Il reconnut la rivière aux paillettes. Il se mit à en suivre le cours en aval, impatient de constater s'il serait aisément navigable. Or il avait à peine fait quelques pas, qu'il lui sembla entendre derrière lui sur la rive comme un froissement dans les roseaux. Il se retourna. Rien. Quelques caïmans, sans doute. Il n'y pensait déjà plus, tout à la satisfaction de constater que le flottage des bois précieux et la descente de radeaux chargés d'épices et d'or s'accompliraient sans difficulté. Le bruit se renoubla. De nouveau, il se retourna vivement. Rien encore. N'importe. Il regrettait presque maintenant d'être parti armé de sa seule épée. Il continua pourtant son exploration, et cette fois, rien de suspect ne vint l'en distraire. Arrivé à un tournant, résolu à ne pas s'éloigner davantage du campement, il avisa un baobab qu'il commandait ce coude et du haut duquel il pensa devoir embrasser du regard la rivière aux paillettes jusqu'à une bonne distance. Des lianes lui servirent d'échelle. Arrivé à la première branche, il se disposait à escalader de rameau en rameau. À ce moment précis, un léger clapotement se fit entendre au-dessous de lui. Escovedo baissa la tête. Un Indien, dans l'eau jusqu'à la ceinture, tenait son arc à l'épaule et le visait. D'un bond, Escovedo se jeta dans le vide. Il était temps. La flèche venait de l'effleurer et de se planter dans l'écorce luisante. Avant que l'Indien eût pu fouiller dans son carquois, le capitaine était dans la rivière, d'une main lui serrant la gorge, de l'autre levant son épée. Surpris et d'assiégeant devenu assiégé, le caribe avait lâché son arc. « Ah, c'est toi !» s'écria Escovedo. Il avait reconnu Tabuaca, le fils du sorcier.